Mon petit dimanche, mon beau dimanche, tu t'es paumé, je n'y crois pas. Dans l'hémicycle ou dans la chambre des députés ou du Sénat, dans ces méandres, aucune chance de te retrouver en bon état. Est-ce pour emplette ou pour avance avec cette madame Obama qui fait ses courses et qui dépense, que tu t'es fourvoyé par là? Si je la chope, cette linotte, je lui fous un pain au Nicolas. Si je la chope, cette linotte, je lui fous un pain au Nicolas. Mon petit dimanche, mon beau dimanche, tu manques à maman et papa. Moi ça me dérange et ça m'arrange, je fous la merde par-ci, par-là. Faut que je m'occupe, que je fête des trucs, avec mes potes je ne chôme pas. Tous les week-ends, la bonne aubaine, maintenant je vole très loin là-bas. Je parle d'île en lieu tranquille, quoi où la mer elle ne vient pas. La vie facile comme un manille, tous les jours c'est Saint-Nicolas. La vie facile comme un manille, tous les jours c'est Saint-Nicolas. Mon petit dimanche, mon beau dimanche, quand le soleil fait un tabac, je crie des sticks, des joints magiques qui me conduisent près l'au-delà. Pas de la piscine si cristalline, mais de la vitrine de Nicolas. Pas de la piscine si cristalline, mais de la vitrine de Nicolas. Mon petit dimanche, mon beau dimanche, la dernière, tu ne la connais pas. Je pique des vis dans cette boutique, je me torche au rouge Coca-Cola. C'est dégueulasse, ça laisse des traces, je me retrouve au commissariat. Je côtoie le pire et je peux dire, quand je serai grand, je voterai pour toi. Pas socialiste, pas communiste, mes vieux se sont déjà plantés là. Trouve une liste plus extrémiste et cassons tous ces rabat-joie. Trouve une liste plus extrémiste et cassons tous ces rabat-joie. Mon petit dimanche, mon beau dimanche, reviens avec maman, papa. Mon petit dimanche, mon beau dimanche, reviens avec maman, papa.